où effectivement on n'a pas de purge à faire ou pas de bloc qui ou de bloc instable à faire tomber. Dans un cas un petit peu plus défavorable, on procéderait dès que nos deux cordistes seraient sur place si tout se passe bien dans l'après-midi, c'est-à-dire dès que le feu est éteint. Une fois que nos cordistes seraient sur place et qu'il y aurait peut-être un ou deux petits blocs à faire tomber, on pourrait réaliser des micro-coupures de quelques minutes, puisqu'on sera en direct avec eux. Si c'est plus compliqué, il faudrait envisager une petite fermeture un peu plus longue. On va voir. On fera un point dans l'après-midi. Merci Éric Boiteux. Je rappelle que vous êtes le directeur d'exploitation et d'entretien de la direction régionale des routes. Et on l'a compris, mieux vaut, dans la mesure du possible, éviter de passer par la route du littoral aujourd'hui. Cet incendie a débuté vendredi. Il sévit donc toujours à la montagne au-dessus de la Grande Chaloupe. 70 hectares ont brûlé. Le sinistre a mobilisé plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers tout au long du week-end et ils sont encore une quarantaine sur place ce matin. Laurent Figon, vous étiez d'ailleurs à leur côté il y a quelques instants. On en est où dans la lutte contre ce sinistre ? Oui Antoine, pour ce quatrième jour d'incendie à la montagne, ce sont 5 pompiers du Grimpe, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, qui sont entrés en action, appuyés par une vingtaine d'hommes du détachement d'intervention héliporté. Après une reconnaissance aérienne ce matin, il aura fallu 3 heures pour que les foyers situés à flanc de falaise puissent être attaqués. Il faut dire que la progression est difficile à travers des blocs rocheux et une végétation assez dense jusqu'au bord du précipice. Il aura fallu ensuite équiper une voie d'accès pour les pompiers du Grimpe, plus habitués à porter secours aux victimes qu'à éteindre des incendies accrochés à une corde. Au moment où je vous parle, les pompiers, ça fait déjà 2 heures que les pompiers sont en action et on pense qu'ils en ont encore pour 2 bonnes heures. Merci Laurent Figon. Politique. Alors que le Parti Socialiste vient d'établir les règles du jeu pour l'organisation des primaires en vue de l'élection présidentielle 2017, la campagne des primaires de la droite et du centre bat son plein. L'un des favoris, c'est Alain Juppé. Il est allé à la rencontre des ultramarins de l'Hexagone ce week-end. Samedi, à Paris, l'ancien Premier ministre avait donné rendez-vous à ses soutiens d'outre-mer pour les convaincre de voter pour lui. Le reportage de Célia Cléry. Une heure de dialogue entre Alain Juppé et les ultramarins qui avaient répondu à l'invitation de Gérard Jeanne-Rose, ce Martiniquais à l'origine du comité de soutien à l'ancien Premier ministre. Objectif pour Alain Juppé, persuader les ultramarins de l'Hexagone et à travers eux les Outre-mer de le suivre dans la course à l'Élysée. Et une filiation revendiquée, celle de Jacques Chirac. L'ex-président avait un lien particulier avec les Outre-mer, assure Alain Juppé. Il veut s'inscrire dans ses pas. Jacques Chirac aimait les Outre-mer, donc les Outre-mer l'aiment. Hein. Il y avait cette relation affective, presque charnelle, que j'essaye aussi de faire mienne. Au menu de cet échange, l'égalité des chances, l'insécurité, l'économie ou l'immigration illégale, les thèmes sont balayés dans un jeu de questions-réponses avec la salle. À l'arrivée, reste à préciser les choses pour Laurent et Maggie, un sentiment partagé dans l'ensemble. Il faut vraiment des sujets forts qui permettront vraiment de donner un cap et vraiment des perspectives intéressantes pour les Outre-mer. Je pense que les questions étaient un petit peu quand même généralisées et donc la problématique Outre-mer n'est pas encore tout à fait ressortie. Un document baptisé Agir pour les Outre-mer sera bientôt en ligne sur le site d'Alain Juppé. Il permettra d'alimenter le débat, promet le maire de Bordeaux, qui conclut dans un appel au vote des ultramarins, à la primaire d'abord, à la présidentielle ensuite. Célia Cléry, les écologistes eux aussi préparent leur primaire pour la présidentielle à laquelle ils iront seuls, tout comme aux législatives. Les primaires chez les Verts seront au menu de l'émission politique de la rédaction de Réunion Première ce soir, puisque c'est le secrétaire régional Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal de Saint-Denis et président de la commission transport et déplacement à la Synor, Jean-Pierre Marchaud, qui sera devant la Réunion ce soir sur notre antenne de 18h15 à 19h. Je vous le disais en titre, elle répondait à l'appel du collectif « Touche pas nous troche ». Près de 5000 personnes ont formé une chaîne humaine hier dans l'Ouest pour dire non à l'exploitation d'une carrière sur le site de Bois Blanc. Farouche opposant au projet, le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, faisait partie des manifestants, tout comme le maire des Avirons, Michel Denmont. Vanessa Miranville, en revanche, n'a pas participé à cette mobilisation. Confrontée elle-même à un projet de carrière sur sa commune au Latanier, la maire de la Possession dit qu'elle préfère laisser les citoyens s'exprimer. Alors, pourquoi ne pas faire comme ses homologues de Saint-Leu et des Avirons, Thierry Robert et Michel Denmont. La réponse de Vanessa Miranville. Je suis la maire d'une commune qui se retrouve face à un dilemme. Une convention a été signée en 2013 pour que la carrière des Lataniers soit réouverte pour le chantier de la route du littoral. La région s'engageait en contrepartie à financer des équipements de l'ordre de dizaines de millions d'euros pour la commune de La Possession et notamment une sortie qui permettra aux gens qui vont habiter l'écoquartier cœur de ville de rejoindre directement la route du littoral sans avoir à passer par le centre-ville de la Possession qui est déjà très fortement saturé au niveau voiture. Maintenant, nous attendons d'avoir les résultats de la consultation citoyenne que nous lançons à grande échelle sur la commune pour pouvoir se prononcer. Donc pendant toute cette période, nous adoptons une position de neutralité où nous n'intervenons pas sur le débat, nous ne nous exprimons pas en tant qu'élus de la Possession. Vanessa Miranville, invitée de Philippe Dornier dans la matinale de Réunion Première aujourd'hui, elle lance un appel à Didier Robert pour rediscuter cet accord conclu il y a 3 ans, accord signé par l'ancienne majorité, celle de Roland Robert. La maire de La Possession a également évoqué un projet de téléphérique qui relierait sa commune à celle du port. Une préétude vient de se terminer pour un tronçon entre le cœur de ville et Moulin-Joly. Midi 9 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. Santé maintenant, nous sommes le premier lundi du mois d'octobre, un mois d'octobre rose consacré à la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Premier cancer chez les femmes, il tue près de 12 000 Françaises tous les ans et pourtant, s'il est détecté tôt, 85% des femmes en guérissent. À La Réunion, près de 300 cas sont détectés chaque année. Beaucoup de femmes semblent avoir pris conscience de l'importance du dépistage. Le reportage d'Aurélie Constant. Bah oui, ça se voit d'ailleurs. Faites attention. Dans un parc, Marie-Claire surveille ses petits-enfants et elle surveille aussi sa santé. Depuis plus de 10 ans, cette grand-mère de 62 ans se fait dépister contre le cancer du sein. En principe, tous les 2 ans, je le fais. Mais bon, ça n'empêchera pas d'eux parce que dans ma famille, il y a plein de monde qui a ça. Et c'est désolant parce que le problème dans ce genre de maladie, c'est qu'on n'a pas de douleur, on n'a rien. Donc si on ne se fait pas contrôler, ben évidemment, ça va être la mauvaise surprise. Pas très loin de là, il y a Lucette. À 51 ans, elle se fait déjà dépister régulièrement. C'est important, très très très important. Ça se fait à partir de l'âge de 50 ans, mais si on a un petit problème, on peut consulter son médecin, lui expliquer une petite douleur ou autre, et puis ben, aller faire une mammographie. C'est gratuit, ça fait pas mal, et c'est très vite fait. Cela donnera peut-être l'impulsion à Madame Coco d'y aller. Elle travaille dans la restauration et n'a jamais pris le temps pour un dépistage. Mais parce qu'on n'a pas le temps déjà. Des fois quand on demande un rendez-vous, faut qu'on connaisse quelle heure il faut travailler, quelle heure il faut gagner, donc on n'a pas le temps du tout. Ce mois d'octobre est le mois de lutte contre le cancer du sein, octobre rose comme on l'appelle, l'occasion de sensibiliser les femmes car s'il est dépisté tôt, le cancer du sein se guérit. Chaque année à La Réunion, 300 cas de cancer du sein supplémentaires sont détectés. Il y a quelques années encore, la cryothérapie était réservée aux sportifs de haut niveau. Époque révolue avec l'ouverture aujourd'hui du premier centre destiné au grand public à La Possession. Le principe est simple, rester en sous-vêtements durant 3 minutes dans une cabine conditionnée à moins 93 degrés. À la clé des bénéfices pour la santé mais aussi pour le bien-être. En tout cas, c'est le principal argument de vente de Kevin Establet, kinésithérapeute et responsable de ce centre de cryothérapie corps entier à La Possession. Il va y avoir tout ce qui est les pathologies rhumatismales, donc les douleurs de dos, les douleurs de genoux, les pathologies inflammatoires, les tendinites, les scléroses en plaques, c'est efficace aussi, efficace pour les spondyarthrites ankylosantes, la pathologie rhumatismale. Donc ça c'est le niveau thérapeutique. Après il y a beaucoup de nouveaux sportifs, là c'est pour les douleurs, la récupération, pour préparer en fait, par exemple typiquement le grand raid qui arrive, en fait c'est pour préparer les efforts ou récupérer après un match. Et à quelle fréquence ? Ça, c'est tout dépend des protocoles qu'on veut mettre en place. Ça peut être 3 fois par semaine quand on veut faire une cure intense, parce qu'on prépare, on veut récupérer d'un gros effort. Ou si on est insomniaque et qu'on veut mieux dormir, on fait une cure de 3 fois par semaine pendant 3 semaines. Puis après, on diminue la dose sur 5 semaines. Des propos recueillis par Olivier de la Richaudy. Comptez 59 euros pour une séance de cryothérapie. Le centre propose également un simulateur d'effort en très haute altitude pour ceux qui souhaitent par exemple se préparer pour des courses en haute montagne. Avant de refermer l'édition locale du football, fin de la 13e journée de D1R. Hier, la Petite Île a battu la Capricorne 3-0, 0-0 entre le SDFA et les Marsouins de Saint-Leu. Score nul et vierge également dans la rencontre opposant le Saint-Denis FC à l'AS Sainte-Suzanne. Samedi, la Sainte-Marienne s'était imposée 3-1 sur le terrain de la Saint-Pauloise. Sainte-Marie, qui avec cette victoire, revient à 1 point du leader Saint-Pierrois au classement. Mais les Cigognes sont actuellement aux Seychelles pour la Coupe des clubs champions. Saint-Pierre affrontera ce soir à 17h les Mauriciens du cercle de Joachim, coup d'envoi à 17h. Je vous le disais, il est 12h12, on fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Kim Kardashian se remet de ses émotions. La star américaine a été agressée cette nuit à Paris. 5 braqueurs ont surgi dans sa résidence. Déguisés en faux policiers, ils l'ont menacée avec une arme avant de la ligoter et de lui voler ses bijoux, butin d'environ 10 millions d'euros. Kim Kardashian est à Paris en ce moment pour la Fashion Week. C'est un cuisant échec pour Viktor Orban. Le Premier ministre de la Hongrie voit son référendum anti-réfugiés invalidé parce que la participation a été trop faible. Le conservateur voulait que les Hongrois rejettent en masse les quotas de migrants décidés par l'Union européenne, Bruxelles qui veut répartir les réfugiés. En Pologne, nouvelle manifestation des femmes. Aujourd'hui, habillées en noir, elles descendent dans la rue contre la loi anti-avortement, projet de loi que le gouvernement polonais est en train de débattre au Parlement. Le gouvernement veut une interdiction totale de l'IVG, même en cas de viol ou de grossesse compliquée. À la surprise générale, les Colombiens rejettent l'accord de paix avec les FARC. La population dit non lors du référendum. Elle estime que cet accord est trop favorable aux rebelles. Elle demande donc une renégociation. À Paris, le Lactarium reprend du service. Le centre de distribution de lait maternel est mis hors de cause après la mort de 2 bébés prématurés. Le lait fourni n'était pas contaminé. Le Lactarium d'Île-de-France est resté fermé un mois, le temps des analyses. Et puis en football, Lyon remporte le derby contre Saint-Étienne 2-0. Nice reste en tête de la Ligue 1 après sa victoire contre Lorient. La suite du 12-13 sur Réunion Première avec C'est dans l'actu dans quelques instants. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La case écolo est dans l'actu aujourd'hui avec vos invités. Philippe, vous faites le point sur les mesures en faveur des maisons dites propres. Oui Antoine, c'est la journée mondiale de l'habitat ce lundi. Un habitat qu'on essaie de conserver le plus frais possible à La Réunion pour se protéger de la chaleur extérieure. Et donc on se penche ce midi sur les mesures liées à ce qu'on appelle la transition énergétique, des mesures qui permettent de rénover son logement sans se ruiner. On parlera aussi de la construction. Les logements neufs sont tenus d'appliquer une réglementation thermique. Ça existe depuis déjà 6 ans. Toutes vos questions, dès maintenant, au 02 62 99 2000. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Cet après-midi, la tendance générale est à l'ennuagement. Au nord d'une ligne Saint-Paul-Saint-Philippe, le ciel est couvert à traits nuageux avec de faibles pluies par intermittence. Dans le sud et le sud-ouest, des nuages de pente envahissent progressivement l'intérieur et des averses sont possibles au Tampon et dans la région du Dimitil. Le vent est sensible entre la Possession et Saint-Gilles et sur le flanc est du volcan, les rafales pouvant atteindre les 55 km/h. La mer est agitée au vent et par une houle de sud-ouest sur les côtes sud et ouest. Et la houle qui s'amortit progressivement au cours de la journée. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Midi 17 sur Réunion Première, l'avenir de la case écolo, c'est dans l'actu ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. Dans Des murs bien isolés, des fenêtres dans toutes les pièces et un pare-soleil pour ombrager la façade. La maison écologique se veut adaptée au climat tropical pour réduire la chaleur et aussi les dépenses électriques. On vous en parle ce midi à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, un habitat confortable qui répond à des obligations adoptées en 2010, la réglementation thermique, acoustique et aération, la RT2A. D'où les logements neufs doivent en respecter les principes. Reste à dénicher les artisans en mesure d'accomplir ces travaux, des entreprises qui présentent la mention RGE comme reconnue garant de l'environnement. La case écolo coûte-t-elle plus cher qu'une autre? Quels sont les conseils de base pour faire des économies d'énergie? Est-ce que ce marché est porteur pour les bâtisseurs pays? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et on attend vos questions au 02 62 99 2000. Vous pouvez également participer par texto, les SMS au 06 92 70 2000. Et puis la page Facebook, c'est dans l'actu. Et puis via Twitter, le hashtag CDLA Première. Nos trois invités du jour, Sophie Le Garec, qui est chargée de la qualité de la construction à la DEAL. Bonjour. Bonjour. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Aurélie Ichard, animatrice technique à la FRBTP. Bonjour. Bonjour. La Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics. Et puis Irène Leca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing sur l'efficacité énergétique à EDF. Alors depuis 6 ans, il n'y a plus de choix. Quand on construit un logement neuf, il doit être écolo. Est-ce que c'est vraiment respecté, Sophie Le Garec? Alors, effectivement, depuis 2010, tout permis de construire déposé soit par des particuliers, soit par des promoteurs, donc pour construire des logements, que ce soit des maisons individuelles ou des appartements, donc dans des immeubles collectifs, doivent respecter la réglementation thermique acoustique aération, on l'appelle la RTAA. Voilà, qui est spécifique au DOM, hein. Donc c'est une réglementation qui a été élaborée spécifiquement donc pour l'ensemble des DOM et en particulier la Réunion, donc adaptée au climat tropical. Alors, est-ce qu'elle est respectée? On s'y emploie. En tous les cas, depuis 2010, donc on a énormément au départ formé, informé, sensibilisé, que ce soit les promoteurs, les équipes de maîtrise d'ouvrage, les équipes de maîtrise d'œuvre, donc les architectes notamment, les entreprises, voilà, et les particuliers, hein, qui sont essayés de s'entourer effectivement de personnes sachantes, parce que quand on est particulier, on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire. Donc il y a par exemple le premier maillon, ça peut être le CAUE de la Réunion. Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, c'est tout ça? Tout à fait, voilà, qui donne des conseils gratuitement aux particuliers qui souhaitent s'engager dans un projet. Donc là, on parle de construction neuve, voilà. D'autre côté, pour l'État, on mène des contrôles. Donc en particulier, nous, on a ciblé pour l'instant les logements collectifs pour l'aspect reproductible, en fait, hein, d'aller contrôler un maître d'ouvrage qui construit beaucoup de logements et qui va encore en construire beaucoup. Ça a tout son intérêt. Aujourd'hui, globalement, dans le logement collectif, les contrôles qu'on fait montrent qu'il y a une très bonne intégration de la RTA. Dans les maisons individuelles, c'est quelque chose qu'on doit continuer l'information, la sensibilisation, beaucoup plus là vers les particuliers et vers les entreprises, parce que parfois il n'y a pas forcément d'architecte, hein, auprès des particuliers, quand il n'y a pas d'obligation notamment. Et donc là, les entreprises du bâtiment ont un rôle à jouer là-dessus. Alors à quoi on s'expose si on ne la respecte pas, cette réglementation? Elle est imposée par les textes? Tout à fait, elle est imposée par les textes. Il y a une loi, un décret, des arrêtés d'application. Donc c'est une mesure pénale si on ne la respecte pas. Donc c'est une procédure pénale qui est conduite donc par des agents de la DEAL. On dresse procès-verbal et ensuite c'est en lien avec le procureur de la République. Voilà. Alors qui doit la respecter? Le particulier, l'entreprise, les deux? Celui qui dépose le permis de construire. C'est celui-là qu'on va viser. Ensuite, Celui qui a déposé le permis de construire, charge à lui de se retourner contre son architecte, son entreprise, s'il estime avoir qu'un maillon de la chaîne a fait défaut. Voilà. Mais donc ce contrôle, il vient a posteriori, quand les bâtiments sont déjà construits. Donc tout notre travail à nous, on fait du contrôle, on en fera toujours, c'est un élément de la procédure. Mais vraiment, le cœur pour nous, c'est l'information en amont. Parce qu'il vaut mieux avoir intégré la réglementation avant de construire, pour construire un logement effectivement économe, confortable, thermiquement, en tout cas, on essaye. La réglementation va dans ce sens-là, plutôt qu'à posteriori, où il y aura des choses qu'on pourra de toute façon pas toujours modifier, parce que le bâtiment, il est construit, on va pas tout casser. Voilà. Vous qui êtes côté entreprise, Aurélie Hichard, est-ce qu'il y a des recours justement par rapport à ça? Est-ce que les gens qui construisent se retournent parfois contre les entreprises en disant « nous, on voulait une maison écolo » et c'est pas le cas? Alors, pas à ma connaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels ont été associés au travail donc de rédaction, de révision donc de la réglementation thermique. Les professionnels ont été formés au niveau de la fédération. Donc, lorsque le texte est paru en janvier 2016 sur la révision, donc Madame Le Garec était intervenue chez nous pour justement former nos adhérents donc aux changements qui ont été induits par cette révision. Et je sais aussi que la Chambre des Métiers donne des formations donc sur la réglementation thermique à destination des artisans. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi en formation initiale, au niveau de l'IUT et au niveau de l'université, donc la RTA est quand même intégrée au référentiel de formation. D'accord, donc la RTA, c'est un terme qu'on emploie pas mal aujourd'hui, c'est la réglementation thermique, acoustique et aération, hein, cette réglementation qui fait qu'une maison est écolo ou pas. Je voulais vous demander aussi, pour les entreprises du bâtiment, est-ce que ça complique les chantiers? Alors, non, parce que c'est une réglementation, donc on se doit de l'appliquer. Mais c'est sur les solutions en fait mises en œuvre, on se retrouve souvent face à des incohérences au niveau de la réglementation. Par exemple, on demande souvent, au niveau de la RTA, on demande en fait des surfaces de menuiserie de plus en plus grandes, et en même temps on demande un affaiblissement acoustique. Donc on a en fait le volet aération et acoustique qui rentrent un petit peu en non-conformité. D'accord, mais ça c'est dans les textes dès le départ alors? Donc voilà, on a un problème sur les solutions qui sont mises en œuvre. Là, il y a vraiment un travail à mener, à trouver des solutions qui sont adaptées donc à la fois à la réglementation et aussi donc au contexte tropical. D'accord. Est-ce que tous les artisans peuvent prétendre construire ces nouveaux logements en respectant les règles? Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous formés pour dire? Alors, je ne vais pas m'avancer et dire que toutes les entreprises sont formées, mais comme je vous dis, au niveau de la fédération, nous, on a fait le nécessaire pour former justement nos adhérents. Donc, avec la diffusion donc d'une circulaire qui comparait en fait l'ancienne RTA et la nouvelle RTA, on a fait aussi une session de formation donc à destination de ces professionnels. Je sais aussi donc, comme je l'ai dit, donc la Chambre des Métiers fait aussi donc des formations à destination des artisans, mais de là à dire que tous les professionnels soient informés, je ne m'avancerai pas. Alors la première chose qu'on fait en général quand on veut faire un logement écolo, Irène Lecas, c'est on met un chauffe-eau électrique. C'est souvent la première démarche. Non, non, non. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr que non. La première démarche, tout le monde le sait, c'est qu'on met un chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau solaire, pardon. C'est exactement ce que voilà. Je voulais dire, vous m'avez compris. Autant pour moi. On met un chauffe-eau solaire, voilà. Normalement, oui, effectivement. Est-ce que c'est systématique maintenant? On essaye que ça soit de plus en plus systématique. Typiquement, là, en ce moment, on est à 140 000 chauffe-eau solaires individuels placés sur la Réunion. À peu près 70% des propriétaires de maisons individuelles ont un chauffe-eau solaire actuellement, donc ils ont bien compris l'intérêt de ce chauffe-eau solaire. Normalement, effectivement, dans la nouvelle RTA, il est inclus le fait de poser un chauffe-eau solaire lorsqu'on construit une maison neuve. Maintenant, tout notre objectif et on met vraiment tous nos efforts pour travailler sur la rénovation des logements. Donc, essayer de faire passer d'un chauffe-eau électrique à un chauffe-eau solaire. Donc, que ce soit une rénovation de passage électrique à solaire, ou alors pour les personnes qui auraient déjà posé un chauffe-eau solaire et qui devraient en changer, mettre tout en œuvre pour pouvoir leur faciliter l'accès à ce nouveau chauffe-eau solaire. Puisque évidemment, un chauffe-eau solaire, ce n'est pas gratuit, c'est plus cher qu'un chauffe-eau électrique. Bon, derrière, on a des économies d'énergie qui sont très importantes. Voilà, c'est souvent la question voilà, des gens. C'est à l'achat, ça coûte plus cher, mais sur le long terme, c'est rentable. Voilà, c'est ça. La démonstration est vraiment faite. Oui, tout à fait, parce qu'on estime que sur un ménage avec chauffe-eau électrique, on utilise à peu près, on utilise 30 à 40% de sa facture d'électricité pour chauffer son eau avec un chauffe-eau électrique. Donc, l'utilisation d'un chauffe-eau solaire peut permettre de faire jusqu'à de 30 à 40% d'économies sur sa facture d'électricité. Donc après, un chauffe-eau solaire, c'est effectivement un investissement qui peut aller entre 1500, 2500 euros, même un peu plus en fonction du dimensionnement du chauffe-eau solaire. Mais derrière nous, on intervient aussi avec des primes assez importantes. Donc d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce, une annonce en une avant-première. À partir du 7 octobre, les primes d'EDF qui étaient de 200 euros sur la pose d'un chauffe-eau solaire de 300 litres vont passer de 200 euros à 600 euros. C'est dire l'importance que l'on accorde et que l'on met sur la pose d'un chauffe-eau solaire à La Réunion. C'est vraiment absolument majeur et c'est vraiment le premier pas vers l'indépendance énergétique à terme sur l'île de La Réunion. 200 euros aujourd'hui, 600 euros à voilà. partir de... À partir du 7 octobre 2016. Donc pour cela, il suffira de s'adresser à un de nos partenaires Agir Plus. Ça veut dire qu'on a intérêt à attendre cette date-là, évidemment. Dans 3 jours. Et la question pour les personnes qui ont déjà fait cette démarche, est-ce qu'il est trop tard, c'est engagé ou... Parce que 400 euros d'écart, si c'est évidemment si pas neutre. Si le chauffe-eau est déjà posé, ça va être compliqué. Après, normalement, c'est la date du devis qui fait foi. Donc, normalement, c'est à partir du 7 octobre 2016. Alors, la transition énergétique, et on entendait cette expression d'une île complètement verte très souvent. Est-ce qu'on peut y arriver? On avait entendu l'horizon 2030, Sophie Le Garec. Est-ce que la maison écolo peut permettre d'arriver à cet objectif? Elle y participe en tous les cas. Voilà. Donc pour parler de ces objectifs politiques et ces grands objectifs énergétiques, hein, il faut voir que sur ces questions-là, on est vraiment dans la production, notamment d'électricité à grande échelle. Hein, c'est vraiment les organes de production d'électricité sur l'île. Donc l'État a conduit avec la région et EDF, d'ailleurs, et le concours de l'ADEME également, ce qui était demandé, donc la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document cadre qui va être validé par les différentes parties sur justement comment on arrive, comment on vise. Alors, cette autonomie énergétique, alors l'échéance, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est toutes nos mesures, toutes nos actions doivent se diriger dans ce sens-là aujourd'hui. Il y a aussi ce que nous disait Aurélie Hichard au niveau de la FRBTP, que ça, c'est difficile à concilier les problèmes d'acoustique, les problèmes de protection de la chaleur, d'aération, voilà. Vous entendez ça sans doute pas pour la première fois, j'imagine. Comment on peut gérer ça? Il y a une réglementation qui existe qu'il faut respecter et les entreprises disent mais c'est pas, ça peut être contradictoire. Alors, toute réglementation est perfectible, toute réglementation a ses défauts, donc je parle des réglementations de la construction, hein, ce qui est mon domaine. On donne des règles minimales à appliquer, et effectivement, pour ne citer que la RTA, entre le volet thermique et le volet acoustique, c'est vrai que il est difficile d'imaginer que, d'un côté, on conçoit des maisons, des logements avec un certain pourcentage d'ouverture pour la ventilation naturelle. Et par c'est ailleurs, ça, l'idée, c'est d'ouvrir toutes les pièces. C'est ça la grande idée, voilà. Voilà, pour faire traverser l'air. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, on essaye quand même de se protéger, notamment en logement collectif. Hein, ça concerne beaucoup moins la maison individuelle. Hein. En logement collectif, on essaye de se protéger des bruits intérieurs au bâtiment. Hein, les personnes qui marchent au-dessus, les personnes qui sont dans la cage d'escalier, les enfants. Les enfants, ils font du bruit, mais c'est sympa aussi. Et les bruits environnants, voilà. Après, La réglementation concrétise un peu ça, on regarde cet aspect réglementaire, mais même sans réglementation, on vit les fenêtres ouvertes. Et ça, c'est pas la réglementation qui est venue dire qu'on vivait les fenêtres ouvertes à La Réunion parce qu'il fait chaud. Sauf pour les gens qui mettent la climatisation. Est-ce que vous bannissez la clim dans ce contexte-là ? Non, la climatisation n'est pas interdite dans la réglementation. Par contre, en fait, ce que la réglementation RTA s'applique effectivement à donner comme mesure minimale, c'est de concevoir et de réaliser des logements qu'on puisse utiliser 100% du temps, c'est-à-dire toute l'année, ou 80% du temps, ou 90%, enfin en tout cas le plus possible sans climatisation. Après, en milieu urbain, pour ne pas citer par exemple dans les bas de l'Ouest, en milieu très urbain, peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir une température confortable toute l'année. Mais si on climatise pendant un mois plutôt que pendant six mois, eh bien c'est déjà gagné, voilà. Est-ce que les entreprises aujourd'hui évitent au maximum le recours à la climatisation, Henri Lichard ? C'est-à-dire préconiser le recours à la climatisation ? Non, évitent au maximum. Est-ce que les entreprises, lorsqu'elles construisent, essayent de se passer au maximum de climatisation ? Justement, c'est en appliquant la RTA DOM qui justement préconise une ventilation naturelle. Donc on privilégie justement les ouvertures, la circulation d'air intérieur avec les ouvrants sur les façades opposées qui donnent sur l'extérieur. La mise en œuvre de brasseurs d'air qui participent aussi donc au rafraîchissement de l'air. Donc on n'a pas systématiquement recours ou on ne privilégie pas systématiquement la climatisation. Les brasseurs d'air, souvent les gens disent ça rafraîchit pas franchement, ça maintient, c'est l'air qui est là dès le départ. Est-ce que c'est aussi efficace ? Il faut justement coupler ces brasseurs d'air justement avec ce principe de ventilation naturelle, d'avoir ces ouvrants qui donnent sur l'extérieur, l'air qui rentre, et ces brasseurs d'air vont faire que l'air va se renouveler et rafraîchir justement l'habitation. Et les gens peuvent réagir bien sûr au 02 62 99 2000 ou au 06 92 70 2000 par texto pour les SMS. Derrière cette mesure phare des chauffe-eau solaires, Irène Leca, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité quand on veut faire des économies au niveau électrique ? Effectivement. Alors, bon, on a parlé des chauffe-eau solaires. On vient de parler aussi de tout ce qui est isolation, de la réduction des apports solaires par la toiture, des surtoitures performantes. Toutes ces opérations sont des opérations qui sont aussi aidées financièrement par EDF. Donc, en se rapprochant de partenaires Agir Plus d'EDF, que vous trouverez sur le site internet d'EDF au www.reunion.edf.com. Donc, vous vous rapprochez de ces partenaires qui sont qualifiés RGE et donc ils vous donneront un certain nombre d'informations et après une prime d'EDF, typiquement par exemple 5 euros par mètre carré d'isolant performant posé pour une toiture dans une maison individuelle. Donc vous avez donc tout ce qui a trait à l'isolation, l'éclairage performant, c'est aussi un facteur important d'économie d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on conseille en termes d'éclairage ? Les LED notamment ? Les LED, les LBC, donc les éclairages, les lampes basse consommation qu'on connaissait à l'époque sous le nom Lampeco, puisqu'il y avait un certain nombre de fameuses Lampeco qui a été vendues à bas prix à 1 euro dans les grandes surfaces. Donc ces deux types d'éclairage sont beaucoup plus économes que les éco-halogènes qu'on peut trouver à très bas prix dans les grandes surfaces. Là aussi, on est à peu près à 10% de la consommation électrique qui est basée sur l'éclairage. Donc si on change nos LED, si on change des éclairages non performants par des LED, par exemple, on peut faire 80% d'économie d'énergie sur l'éclairage. C'est l'intérêt des LED aussi, c'est qu'elles durent 10 fois plus longtemps qu'une ancienne lampe halogène, par exemple. Et puis, il n'y a pas que changer les LED, il y a aussi des éco-gestes. Alors ça, c'est des éco-gestes, c'est ce que les enfants apprennent souvent à l'école, c'est des gestes vraiment de bon sens, c'est bien faire attention à éteindre la lumière quand on sort de chez soi, faire la poussière, dépoussiérer les lampes, pour que les ampoules, pour qu'elles illuminent mieux. Donc ça, c'est sur les lampes, sur l'éclairage. Après, il y a aussi beaucoup d'autres éco-gestes sur l'utilisation de l'eau chaude, sur l'utilisation des programmes basse consommation ou des programmes froids quand on fait une lessive, une machine à laver, l'utilisation quand on a des plaques électriques bien veillées à couper l'électricité ou couper la plaque au moins 10 minutes avant la fin de la cuisson. Ça, c'est vraiment tout des gestes classiques, mais qui ont une énorme importance sur la facture d'électricité. Et dernier point, tout ce qui est appareil électroménager. Donc, vous avez vu maintenant dans vos grandes surfaces les étiquettes A+, A++, A3+. Donc, effectivement, les appareils électroménagers de catégorie A3+, sont un peu plus chers que les autres, mais aussi font faire des économies très très importantes, jusqu'à 50% d'économies par appareil A3+, par exemple. Donc tout ça, ce sont des gestes éco-efficaces et qui ont un gros impact sur la facture énergétique derrière. Alors, la représentante d'EDF nous parle des économies qu'on peut faire et de l'intérêt que ça a au niveau énergétique. C'est vrai que quand on touche au portefeuille, souvent, ça incite les gens à faire la démarche. Sophie Le Garec, vous qui représentez la DEAL ce midi, donc l'État, quels sont les atouts que vous pouvez mettre sur la table pour dire aux gens, si vous rénovez, faites-le de façon écolo. C'est quoi ? C'est du crédit d'impôt ? C'est quoi ? Alors, il y a deux mesures de l'État qui existent pour encourager et inciter à la rénovation énergétique au travers d'aides financières. Donc, il y en a une, c'est effectivement un crédit d'impôt. Il s'appelle le crédit d'impôt transition énergétique, CITE. C'est sur les différentes actions, effectivement, qui concernent la rénovation énergétique. Donc, c'est effectivement de l'isolation de la toiture ou de la surtoiture performante. C'est tout ce qui va concerner la protection solaire des baies, donc mettre des débords de toiture, des casquettes au-dessus des baies pour éviter que le soleil direct tape sur la fenêtre ou sur la baie qu'on a laissée ouverte. Voilà, c'est la première protection. Le chauffe-eau solaire, bien entendu, la pose de brasseurs d'air également. Donc, toutes ces actions-là, effectivement, sur la facture, on peut récupérer 30% en crédit d'impôt. Donc, c'est déclaré au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année après les travaux, et on récupère ça en crédit d'impôt au niveau de l'avis d'imposition. Donc, c'est une décote directe, hein, une soustraction directe sur son montant d'avis d'impôt sur le revenu, voire même un remboursement de l'administration fiscale si le montant du crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt qu'on avait à payer. Ça voilà. Peut être évidemment très intéressant. Tout à fait. Vous jouez sur quelle corde sensible, plus le portefeuille que la protection de l'environnement, parce que c'est vrai que les gens, ils sont sensibles aux deux, mais bon, c'est difficile. Alors, il y a même une troisième corde, quel confort. Parce que contrairement à la métropole où l'aspect portefeuille est quasiment direct avec le chauffage, hein, on isole, on change la chaudière, on baisse ses frais de chauffage. Ici, c'est quand même plus compliqué. Enfin, Irène Lecas d'EDF vous a cité les différentes mesures quand même qui permettent de faire baisser sa consommation d'électricité. Mais quand on parle de protection solaire des baies, c'est avant tout effectivement le confort. Combien de personnes effectivement vont essayer de protéger leurs fenêtres parce qu'il y a le soleil direct dessus, vont avoir trop chaud. Soit elles ont la possibilité de mettre la clim, mais il ne faut pas que toutes les épaves thermiques, entre guillemets, se transforment en logements climatisés. Déjà parce que ces logements ne sont pas bien conçus au départ, donc on va climatiser en laissant s'échapper la climatisation. Alors là, pour le portefeuille, en plus, c'est pas du tout une bonne mesure, hein, parce qu'on va augmenter sa consommation d'électricité énormément. Donc c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Par contre, se sentir mieux chez soi, hein, pouvoir dormir plus confortablement. Voilà, ça c'est un aspect très très important sur lequel on appuie pour effectivement parler de la rénovation énergétique. Alors du côté des entreprises, c'est quoi les principales mesures vers lesquelles vous guidez les acquéreurs, les personnes qui font construire, quels sont les conseils que vous donnez, isolation thermique, les planchers, les toits ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir recours aux aides donc de l'État, le CITE ou l'éco-prêt, il faut en fait que le particulier ait recours en fait à un professionnel qualifié RGE. Oui, donc la fameuse norme qu'on donnait tout à l'heure, reconnu garant de l'environnement. Effectivement. Donc à La Réunion, on en a 38 qui sont qualifiés donc RGE. On va dire 15 entreprises sur tout ce qui est efficacité énergétique, donc qui interviennent sur l'enveloppe et l'enveloppe du logement, et plus de 20 entreprises en énergie renouvelable, donc les entreprises qui posent essentiellement du chauffe-eau solaire. Donc pour être une entreprise RGE, il faut disposer en fait d'une qualification métier et suivre une formation en rénovation énergétique. Donc à La Réunion, on a une formation qui a été mise en place depuis novembre sur un référentiel adapté donc au contexte local. Donc les entreprises sont en capacité d'appréhender donc une rénovation donc globale du logement et expliquer donc aux particuliers les travaux qu'il va réaliser, donc un bouquet de travaux efficace pour justement remplir l'objectif soit d'avoir moins chaud, soit d'avoir moins froid dans son logement. D'accord. Et les mesures principales, elles portent sur quoi justement ? Concrètement, en termes de rénovation. En termes de rénovation, on va d'abord agir sur la toiture, puisque la toiture est quand même l'élément le plus exposé donc à l'ensoleillement. 65% en fait de la chaleur passe par la toiture, et ensuite on va intervenir sur les murs, donc on va isoler la toiture, puis isoler les murs où 35% des apports naturels de chaleur se font. D'accord. Sur le côté électrique, on parlait aussi de l'autonomie énergétique. L'autonomie électrique, c'est aussi un objectif affirmé pour La Réunion. C'est justement l'autonomie énergétique va passer d'abord par l'autonomie électrique, puisque dans l'énergie, il y a la partie électrique, mais il y a aussi la partie trafic, trajet, qui utilise une autre forme d'énergie, le fioul, l'essence. Voilà. Donc déjà, on s'axe principalement sur l'autonomie électrique, donc qui passera évidemment par une augmentation des sources d'énergie renouvelable, et puis comme on le fait actuellement, une maîtrise de la demande en électricité, donc idéalement une baisse des consommations des ménages et des industries. Donc effectivement, voilà, tout ce qui peut avoir trait à la baisse des consommations et après évidemment augmenter les ressources naturelles, tout cela fera tendre vers une autonomie électrique. Alors, il y avait un autre dispositif qui avait été mis en place et qui existe toujours, le stockage de l'électricité, c'est-à-dire la possibilité plutôt de produire de l'électricité pour n'importe quel particulier. Le prix de rachat, on s'en souvient, avait été considérablement réduit. Et du coup, on s'en remet à des fermes photovoltaïques, des professionnels, comme des grandes surfaces, par exemple, qui jouent ce rôle. Est-ce que c'est pas à l'ordre du jour de revoir le tarif et de redonner une chance de relancer plus massivement ce projet. Alors en fait, tout ce qui est donc autoconsommation tel qu'on l'entend est plus adapté au secteur tertiaire qu'au secteur particulier, parce que le secteur tertiaire en fait va produire de l'électricité en même temps que le soleil avec les fermes photovoltaïques et en même temps consommer cette électricité avec la climatisation du bureau, la climatisation des magasins. Voilà, donc on est sur une consommation, une production à peu près qui ont lieu en même temps. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un particulier qui va produire de l'électricité ne sera pas obligatoirement dans sa maison quand il va derrière la consommer. Donc si un particulier décide de faire de la véritable autonomie énergétique, c'est-à-dire ne pas se connecter au réseau, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Simplement, la plupart des particuliers qui souhaitent produire de l'électricité souhaitent continuer à être raccordés au réseau, et dans ces cas-là, risquent de demander un droit de soutirage à des moments de pic de consommation. Et dans ces cas-là, il faut que le réseau électrique, qui est quand même assez fragile à La Réunion, puisqu'on peut pas aller demander, on n'est pas interconnecté à d'autres régions, donc on est obligé de produire notre électricité vraiment sur place et de vérifier que la consommation correspond bien à la correspond bien à la fabrication d'électricité en temps réel. Dans ces cas-là, si un particulier continue à soutirer un peu d'électricité à des moments pics, il est compliqué pour EDF de gérer cette ou d'anticiper cette demande en électricité. Un dernier mot peut-être, Sophie Le Garec, sur l'éco-prêt à taux zéro qui existe également et qui est cumulable avec le crédit d'impôt dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc c'est la deuxième mesure de l'État pour encourager à ces travaux de rénovation énergétique, l'éco-prêt à taux zéro. Donc sur les différentes actions qu'on a citées depuis le début de l'émission, ça fonctionne. Donc le montant du prêt dépend du nombre d'actions qu'on va réaliser, deux ou trois actions. Globalement, ça peut couvrir les travaux, hein, parce que le montant du prêt est calé sur des montants de métropole, donc quand même assez élevés, 20 à 30 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 30 000 euros. Oui, voilà, donc ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Et donc c'est véritablement un prêt à taux zéro. Voilà. Donc ce qui est important comme dispositif comparé au crédit d'impôt transition énergétique, c'est que dans le prêt, ben la banque avance effectivement hein, le financement des travaux. Donc ça c'est intéressant pour les particuliers. Voilà. Merci en tout cas toutes les trois d'être venues nous parler de la maison écolo. Sophie Le Garec, chargée de la qualité de la construction à la DEAL, Aurélie Ichard, animatrice technique à la FRBTP, et Irène Lecoeur, responsable marketing sur l'efficacité énergétique à EDF. C'est dans l'actu demain, emploi à domicile, pourquoi les déclarer ? Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante est chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Il passe un petit message, mon chéri, qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, roule, c'est galé. Ça va le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Et à midi 48, il est temps de passer le relais à Ingrid pour la suite. Très bon après-midi avec la première. Merci Philippe, bon après-midi. Rendez-vous dès demain après le journal de midi. Dans la chronique Éco, Tessa Gromane nous présentera deux jeunes gens bien décidés à réussir dans le décortiquage de noix de cajou. Ce sera juste après Métis sur la première en mode care. Vai, vai, vai, vai. Elle a un petit mélodie. Écoute, Amélie va faire voyage à où t'es un petit poème. J'y sais plus pour où, mamzelle. M'y connais que moi, la jamais été parfait. Mais auprès de où les efforts, moi, l'a accumulé. Et ça, on connaît. Et ça, on connaît. Mais nous, papa, on reste là. On reste là. On reste là. De où pour où, mon amour. Il s'en sera pas. Il s'en sera pas. Mais nous peut pas, on reste là, on reste là. On reste là de doux pour mon amour. Il s'en sera pas, il s'en sera pas. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon épée, oui, mille ans. Par mille essais à ou fort. Et des nuits fois qu'on a mon trésor. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon épée, oui, mille ans. Par mille essais à ou fort. Les passés compliqués, compliqués. Malgré tout ça, l'a se passé dans mon cœur. Où les gravés et ça a jamais. Et ça a jamais. Même si j'en dis où vais aller loin. Il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. Tenir mon main, dis à moi. Et dernière fois couillé ma main. Parce que m'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon ami, oui, mon parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon ami, oui, mille ans. Va où me laisser à vous fort. Dès qu'il est mis à mort. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrin. chérie, nan mwen ki ou sa va san mwen. Mi pe pa an fonsa ou, mi pe pa reteni an ou. Me sa ske zame, mi va oubli a ou. On m'a dit que tout bel chose ont une fin. Mi chagrin nan mwen ki ou sa va san mwen. Mi pe pa an fonsa ou, mi pe pa reteni an ou. Me sa ske zame, mi va oubli a ou. Paske mi le an mwen ki si ou. Mon ka fin mou le pi wi mi la ou. A ou mi lese a ou fort. En deni fwa pou mè mon trésor. Sur la première, en mode care. Aujourd'hui, dans la chronique éco, Tessa Groman nous emmène à la rencontre de deux jeunes hommes qui ont décidé de se lancer dans un projet agricole et économique en Côte d'Ivoire. La chronique éco, Tessa Groman. J'ai fait mes collèges et lycées à Marie-Galante, en fait, et j'ai vécu là-bas parmi les plus belles années de ma vie. Ainsi parle Ismaël Ouélé, 26 ans, moitié guadeloupéen, moitié sénégalais et ancien étudiant à Sciences Po Paris. C'est dans cette école qu'il a rencontré Ange Boyou, d'origine ivoirienne, avec lequel il se lance dans le projet Koumen il y a 3 ans. Un projet agricole pour développer l'industrie de la noix de cajou à Doropo, une commune située tout au nord de la Côte d'Ivoire. Le pays produit 20% des noix de cajou, mais seuls 6% de la production locale est transformée sur place. Le reste part en Inde et au Vietnam. Ange et Ismaël veulent construire une usine de décortiquage des noix et développer l'apiculture pour polliniser les arbres à fruits, ce qui permettrait de fabriquer notamment de l'huile, des jus de fruits et du miel. Objectif, soutenir le développement local, pas comme une ONG, mais pas non plus comme une entreprise capitaliste. Ange Boyou. Le but, c'est pas d'être des requins et de faire n'importe quoi, mais on peut établir des activités économiques qui sont rentables, qui apportent du développement, sans avoir besoin de procéder uniquement par le mode de subvention. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette activité, on peut avoir du chiffre d'affaires, on peut être profitable, et ces profits peuvent être réinvestis à l'intérieur des zones, à l'intérieur de la communauté, pour générer plus d'activités. Il est important et nécessaire que l'activité économique soit indépendante, qu'elle ne dépende pas par cycle régulier d'appels extérieurs, et qu'elle puisse être installée et se porter par elle-même. Vous l'aurez compris, derrière Koumen se cache un projet de commerce éthique loin de l'esprit des multinationales étrangères qui exploitent les matières premières en Afrique. Koumen, c'est aussi le projet de soutenir les femmes qui représentent 70% de la masse salariale dans le secteur agricole de la noix de cajou. Ismaël Ouélé. Les pousser à s'organiser, les bancariser tout simplement. C'est un moyen très simple de donner l'autonomie aux femmes, c'est de les bancariser et qu'elles soient maîtres de leurs revenus. Et ça pourra être un moyen de développement significatif, le plus significatif et le plus rapide et le plus fort qu'on puisse avoir. Ismaël et Ange ont réussi à lever 400 000 euros de promesses d'investissement auprès d'un business angel français. Il leur faudrait 300 000 euros de plus pour faire vivre leur projet. Plus tard, Ismaël aimerait aussi aider sa sœur et son projet agricole à Marie-Galante. La chronique éco, c'est chaque matin en semaine à 6h25 et l'après-midi à 1h10. À suivre le journal de France Info, ce sera juste après Nash, I Hate You, I Love You sur la première. Still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been?

Ah oui, hein, parce que c'est sûr que dans cet hôtel particulier qu'elle fréquente régulièrement, elle n'est pas la seule. Hein. Il y a plusieurs stars qui viennent ici souvent. Elles y sont plus tranquilles, mais elles sont peut-être moins protégées, car cette nuit, les cinq braqueurs, déguisés en policiers, un au moins était armé, n'ont eu qu'à menacer et menotter le réceptionniste pour être conduit jusqu'à la chambre de Kim Kardashian. Il était 3h du matin, elle dormait seule. Ils ont braqué la star, le canon de l'arme contre la tête, dérobé autour de 10 millions d'euros, vous l'avez dit, 10 millions de bijoux, et ils sont ensuite ligoté Kim Kardashian dans la salle de bain. Ils ont attaché ses pieds et ses poignets avec du scotch. Elle n'est pas blessée mais très choquée d'après son entourage. Elle a sûrement quitté les lieux un peu avant 8h. Deux véhicules aux vitres fumées sont sortis sous les flashs des photographes. Depuis, on voit plusieurs policiers aller et venir dans le bâtiment, faire des relevés scientifiques, prendre des photos.